Cosmic Cassette. Psycho-cybernétique. DSL entend dans cette île. That is. Prelude and tribute to the disco party to death. Again. Prélude à la fête disco à mort. J'ai chaussé mes bottes compensées, j'ai mis mon plus beau chapeau, et puis j'ai sélectionné dans le fond de mon étagère quelques cassettes qui prenaient la poussière. Mêlé aux trouvailles des vide-greniers, j'aurai aussi 2-3 sorties récentes à coller sur les têtes de lecture de ces bons vieux Philips monophoniques. Ce soir, c'est samedi et c'est disco jusqu'à la mort. You a disjockey? Please listen and dance.

color is red wine. Nous sommes sur le point de nous dessécher complètement. Connerie cassette. Connerie cassette. C'était le message positif, maintenant c'est Grace Jones avec Cry No, Love Later. extrait de la cassette rouge de Coco, instigateur de la soirée disco. We'll be right back. Magdab in the socket, c'est pas le titre, enfin je crois pas. C'est une phrase qu'elle a dans la chanson, c'est Eddie Funk Master. Quoi? Eddie Funk Master, c'est sur la cassette Liger Music, édité chez Liger Vision Superior Elevation en 2013, je crois aux États-Unis. J'ai acheté ça à Sofa à Lyon il y a deux jours. Ese joven con quien acabas de bailar. Me ha dicho que antes de conocerme, el mundo era para él un desierto. Lo comprendo, pues baila como un camello. Thank you. casse morceaux à Mayol et Marie, Kilotron et Mobicute. C'est eux qui m'ont fait découvrir ce morceau. Il semblerait qu'il y ait eu une époque où toutes les BO avaient eu leur version disco. Et celle qui suit est gratinée de laser bien senti. Solo shot first. Yeah. Cassette. 1, 2, 3, 4. Cosmic Cassette. En octobre 2015 à Paris, j'ai acheté ça chez Balade Sonore il y a longtemps. T'es glauque un max, t'es plouc, je n'aime pas ton look, pas relax. Tu pues le bouc, t'es flasque, va te faire cuire un œuf, touche pas à la meuf. Sur la lancée avec Agathe, je ne veux pas rentrer chez moi seule. Dans la rue, il a disparu, je me suis perdue. chez moi. Je peux pas rentrer chez moi seule. Je peux pas rentrer, je veux pas rentrer chez moi. Je peux pas rentrer chez moi. Drink. Yes, sir. On ne discute pas s'il n'y a rien à boire.